Il n'y avait pas de vent ce jour-là. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas un seul nuage. Dans le ciel, il n'y avait plus d'ennui. Il n'y avait plus de rêve. Il n'y avait plus de tristesse qui mouillait les tropiques. Il n'y avait plus d'amour réfugié dans les cœurs.